C'est l'histoire d'un jeune homme de 20 ans, habitant apparemment tout seul dans un appartement. Il a su, avec son vécu et toutes les insultes qu'il a reçues, qu'il faut être méfiant et intelligent pour faire face à tous ces imprudents violents. Violemment, il a su dire oui, et sa haine s'est accrue. Prends conscience et prends sa chance, n'accepte pas la défaite depuis sa vie refaite. Il ne tolère plus qu'on lui pique son petit lieu, s'arrange de manière d'être toujours au-dessus, rapide comme un éclair, n'est plus surpris pas derrière. Au début, c'était un gars plutôt calme, très gentil, très vite, pas à pas, je ne sais pourquoi, ils lui ont fait tout ça. À quoi servent les débats? Peut-être à prendre des coups bas sans cesse par des maladroits qui ne justifient jamais leur choix. Pourquoi? Pourquoi? Si cela n'existerait pas, je n'en serais pas là pour dire ce que j'ai en moi. Tu n'es qu'un tissu de soie, tu as mis du temps à grandir. Maintenant, solide comme du bois, tu fonces dans le tas. Les gars, tu sais qu'il y a une façon de parler, ne pas offenser, garder du respect, une petite chose à prouver. Ne t'inquiète pas, il a ses défauts, un peu timide mais pas de trop. Continue son flot, comme un magnéto, recule, avance et mène ta cadence. Tu commences à être en transe, pire encore, t'accélères et continue ton endurance. Prends conscience et prends sa chance, n'accepte pas la défaite depuis sa vie refaite. Il ne tolère plus qu'on lui pique son petit lieu, s'arrange de manière d'être toujours au-dessus, rapide comme un éclair. Que la vie se construit sur ses acquis. Tout ce que ses proches l'ont appris ne sera pas d'un oubli. Tous leurs efforts lui sont un réconfort, et grâce à ça il devient fort. Forcément de plus en plus intimidant, pas pour autant violent. Plutôt galant, lentement apprend à l'envers l'avant. Tout doucement développe ses arguments. Heureusement tout ça a changé, de moins en moins souvent dérangé. Certains sauront pardonner avec facilité, d'autres ont intérêt à reculer, s'accrocher. Sinon tu seras là pour faire le justicier, tu les chasseras jusqu'à assassiner. Ils auront beau faire leur guerrier et gueuler, tu seras au sommet prêt à tout percer. Quitte à se faire défoncer, garde ta fierté. Prends conscience et prends sa chance, n'accepte pas la défaite depuis sa vie refaite. Il ne tolère plus qu'on lui pique son petit lieu, s'arrange de manière d'être toujours au-dessus, rapide comme un éclair. Je veux pas être couronné de laurier, mais juste être respecté. Décide à tout stopper, lutte contre cette méchanceté. Propage le respect, que tout le monde ait les mêmes droits d'égalité. Agis contre tous ces bouffons, passe à l'action. Lève-toi de ton balcon. Certes, tu n'es qu'un pion parmi tant d'autres, mais pour une évolution, tu ne peux être seul. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Pousse ton coup de gueule. N'accepte pas la défaite depuis sa vie refaite. Il ne tolère plus qu'on lui pique son petit lieu. Ça rend